Croiserait pas nous, gros, croiserait pas nous. Moi et ma mère, une ville au bord de la mer. Croiserait pas nous, gros, croiserait pas nous. Un terre, une salope, je dis un terre, une salope. Croiserait pas nous, gros, croiserait pas nous. Moi et ma mère, une ville au bord de la mer. Croiserait pas nous, gros. Croiserait pas nous qui s'y retrouve au bord de la mer. Un terre, une salope, je décolle de la terre. Non, je ne déconne pas dans la lerga, c'était pas ça. Nous, on voulait saper qui t'a sorti à passer. Quand je repasse à mon passé, gros, j'ai failli y passer. Mon avenir, il s'est tracé depuis que papa, il s'est cassé. Les condés, le placard, le terrain et la bagarre. Le soir, j'ai traîné tard, j'étais pas un froussard. C'est pas un hasard, si Yima avait le cafard. Rama, elle avait le sourire et devant l'école, je vais courir. Si je voulais pas qu'elle pleure, c'est un bonhomme, elle a pas peur. Je me rappelle à 6h derrière son dos, je me cachais. Est-ce que tu m'entends? C'est mon calme. Je me sentais si bien que j'avais plus besoin de paniquer. Jusqu'au bout, aimer le paquet, même quand Sophie s'est menottée, elle est sérieuse et dans serré. Elle sert dans ses bras. Quitte la maison à l'eau, elle te quitte pas, c'est bien la seule qui te quitte pas, la seule qui t'envoie des mandats, celle qui lave toujours tes pesales, t'as mis tout premier pansement. Son amour c'est pas du vent, pour elle je peux t'éventrer. 9 fois elle m'a porté, dans ses bras elle me bordait. Je serai toujours son bébé, toujours là en cas de pépin. Pour moi donne ses reins, je te parle de ma reine. Je lui ai fait de la peine, maman je t'aime. Je suis désolé, inconscient j'étais. La rue m'a tiré mais t'as jamais lâché. Là j'ai été en lâchant la maison. Les schmitts, la queue con, le double peu bon. Ça pompe, ça tire, à tes max se tire. Et ça y est c'est parti, on part sur une story. J'ai pas vu les ennuis et toi tu me fais marrer. Tu balances, tu pleurais, fais pas de fou. On s'est quitté, j'ai viscère dans le marais. J'y vois le marron, j'suis pas un roi et franc. Moi c'est pas une franchise, proche d'affranchis. Toi et mon récit, pendant que tu récitais à la cité je me suis levé. Et pendant que tu faisais kéké à 14 ans, on tombé. Un mental de béton, on a pas peur tourner en haut. Une grosse pile d'orange, j't'ai dit une grosse pile d'orange. On veut une grosse pile d'orange, j't'ai dit une grosse pile d'orange. Croiserait pas nous, gros, croiserait pas nous. Moi et ma mère, une ville au bord de la mer. Ouais, croiserait pas nous, gros, croiserait pas nous. En terre, une salope, en terre, une salope. En terre, une salope, un cocktail dès le réveil. En terre, une salope, un cocktail dès le réveil. Croiserait pas nous, gros, croiserait pas nous. Croiserait pas nous, gros, croiserait pas nous. Croiserait pas nous, gros, croiserait pas nous. Moi et ma mère, une ville au bord de la mer. J'ai dit moi et ma mère, une ville au bord de la mer. Ouais, moi et ma mère, une ville au bord de la mer. Croiserait pas nous, gros, croiserait pas nous. Croiserait pas nous, gros, croiserait pas nous. Moi et ma mère, une ville au bord de la mer. Moi et ma mère, une ville au bord de la mer. Croiserait pas nous, gros, croiserait pas nous. Ça va le faire. Ça, la squad.